sur une racine. J'interromps ma trotte en fondant un crâne. Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Eh bien, salut à tous, c'est le Slasher. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la 10e de touche à tout, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va tout de suite commencer avec Anne Clark, avec Our Darkness. Mais vous êtes avec Scream à la technique et le Slasher au micro. Thank you. donc c'était Anne Clark avec All Darkness, un excellent titre encore une fois. Et donc comme je le disais, vous êtes là pour la 10e de Touche à Tout. Déjà ça fait super plaisir qu'on a déjà passé le cap des deux petits chiffres, voilà, le 10, ça va encore grandir, hein. Ne vous tracassez pas. Donc vous êtes avec Scream à la technique et le Slasher au micro. Et donc vous pouvez retrouver tous les articles de qu'on parle sur la page Facebook et la page, la chaîne, le site quoi, RQC et la chaîne YouTube Touche à Tout. Donc alors là on va déjà commencer à parler d'une petite caméra, une caméra embarquée, une caméra sport. Donc c'est tout simplement la Denver Wifi Cam. Donc c'est comme type de caméra, c'est une action cam, c'est-à-dire c'est pas comme un Alpha 7S 2 ou un Reflex ou un caméscope, non. C'est une caméra qui sert par exemple pour emmener au ski ou quoi, ou même pour d'autres personnes filmer discrètement pour faire des caméras cachées, etc. Donc la marque la plus connue que vous pouvez connaître, c'est GoPro, mais là on va vous parler de la Denver. C'est la marque Denver, et la caméra c'est la AC 5000WM4 2. Donc on l'a en couleur argent. Et donc comme fonctionnalité spéciale, il y a quoi? En résolution vidéo, c'est du 1920x1080 Full HD. Donc si je veux vous traduire, c'est du 1080p Full HD. En format vidéo, c'est du vidéo H264 MOV, pourquoi pas. En résolution photo, c'est du 3264x2448, donc format photo c'est JPEG ou JPG, donc encore un très très bon format. Donc on a des correcteurs HDMI, micro, B, USB, et donc ce qui est bien c'est que dedans vous pouvez brancher un mini jack, pas un gros, mais un mini jack HDMI dedans pour connecter un petit moniteur ou le connecter à son PC, et aussi une de toutes petites prises pour micro. Et aussi, avec l'avantage, si vous prenez la Denver, vous pouvez télécharger l'application sur iOS et Android. Et donc ça vous sert à quoi? Vous avez tout simplement, vous appuyez sur le bouton réseau dédié de la caméra, et donc sur votre téléphone vous mettez sur le réseau. Donc vous allez avoir c'est un wifi pour la caméra quoi, donc du nom wifi cam. Et en fait, donc du coup, ça se connecte à l'application et cela vous permet de régler par exemple la balance des blancs, faire comme moniteur, donc pour voir où vous placez la caméra, enregistrer, prendre des photos et tout simplement voir ce qu'on fait, parce que c'est un peu bête si on tourne une vidéo et qu'on est très mal cadré. Donc il y a une carte mémoire compatible du micro SD, du SDHC jusqu'à 32 Go. Donc en mémoire de RAM, il a 1 Go. En accumulateur, c'est des ions lithium. Une batterie de capacité de 1000 mAh. Donc c'est très très intéressant. Il étend jusqu'à 55 mètres. Donc ça va, 55 mètres c'est bien. Moi j'ai eu l'occasion de tester la coque et de filmer sous l'eau. Ça marche super bien et la qualité est vraiment super bien foutue. À part quand vous, bien sûr, vous enregistrez, le son fait renfermer comme si je parlais là-dedans. Mais c'est encore pire, on entend vraiment presque pas. C'est un très bon isolateur son, mais pas que. Et même, je penserais que, donc je vous avais dit qu'il y avait un jack micro, je pense que vous devrez vous acheter un micro avec cette caméra, vu que si vous voulez enregistrer votre voix en même temps, c'est pas terrible, terrible en qualité micro. Donc c'est tout simplement un cadeau de mamie, encore merci à mamie, la repose en paix là où tu es. Donc c'est une caméra très très abordable pour une genre de GoPro, hein. Ça fait le même taf et c'est super bien. C'est à peu près aux alentours de 50€, donc c'est vraiment très très abordable. Donc là on va faire une petite pause musicale avec Crystal Waters avec Gibbs. On va faire une petite pause avec Bonnie M, My Baker ou Sopot Festival 1979. Allez, c'est parti. Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, Venus Cat from old Chicago town. In our c'était Bonnie L avec Ma Baker, donc extrait du ce pop festival 1979. Donc là, on va tout de suite passer à la chronique pop. J'avais envie de vous parler d'une pop, une, on va dire, assez exceptionnelle, parce que c'est celle qu'on a vraiment trouvée au hasard, et c'est un cadeau. Donc encore merci, c'était un cadeau que j'avais eu il y a au moins quelques temps. Donc c'est quoi? Bah c'est Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, mais en édition limitée, donc Limited Chase Edition. Donc c'est sur le Gardien de la Galaxie volume 2, c'est le pop 198-198, et donc c'est le personnage phare Star-Lord. Mais cette fois-ci, c'est que sur le devant de la boîte, vous voyez le visage normal de Star-Lord, avec sa veste et ses deux petits pistolets. Derrière le cellophane, on voit la pop tant attendue et si exceptionnelle. Sur l'autre côté, on voit Star-Lord normal, sur l'autre, on voit Star-Lord Gardien de la Galaxie Volume 2, et derrière, on voit toute la collection. Donc il y en a quand même énormément des Gardiens de la Galaxie là. Et donc en fait, c'est l'édition limitée, il y a quoi qui change dedans? Donc à la base, vous avez Star-Lord avec son visage à découvert, normal. Mais là, ce qui change, c'est que la tête change. Vous avez Star-Lord avec son masque, tout simplement. Et donc, comme d'habitude, qui dit Marvel, dit Bobblehead, tête qui bouge avec un ressort. Donc je sais pas si vous avez déjà vu des petites figurines que vous mettez, dans les films qu'ils mettent sur leur voiture, et que quand ils s'arrêtent, la petite Hawaïenne qui bouge sa tête, un truc très très culte. Et ben en fait, ce Star-Lord est vraiment magnifique, c'est une édition limitée. Donc je vous explique c'est quoi la Limited Chase Edition. Donc en fait, genre quand il y a les magasins, les boutiques ou quoi, qui prennent par exemple un carton de 6 pop Star-Lord, dans un de ces cartons, il y en a une seule qui change, une édition limitée. Donc c'est ça en fait. Il y en a beaucoup moins comparé aux autres. Mais ce que j'ai vu hier sur le net, en faisant mes recherches pour Star-Lord, m'a un petit peu intrigué, c'est que en fait pour la tête, ils ont tout simplement pris la tête d'une autre Star-Lord et ils ont mis tout simplement le corps de la Star-Lord basique. Et ça a donné une édition limitée. Donc bien sûr, vous avez des éditions limitées qui valent très très cher, jusqu'à des $600. Donc pour vous dire, donc cela c'était offert par mamie pour ma Toussaint, ma Pâques. Donc encore merci à mamie, merci. Donc là, on va s'écouter tout simplement Captain Sensible avec What. said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what you want? Donc c'était Captain Sensible avec Word, une chanson super connue, vous devez tous connaître. I say way, c'est hot, vous devez connaître. Donc là, on va voir la chronique de livres. Donc des livres qu'on a reçus de chaîne EPA. Donc encore merci à eux, ça fait super plaisir. Encore un nouveau partenaire qui s'ajoute, merci à eux. Et donc là, j'ai décidé de vous parler du livre Queen, donc de Phil Sutcliffe. Donc c'est de la collection Toute l'histoire. Le livre est paru le 19 octobre 2016. Et donc c'est un livre qui contient 296 pages et il est au prix de 29 €, mais ça vaut vraiment le coup, je vais vous expliquer. Donc alors, tout simplement, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon sont réputés pour leurs concerts enflammés, célèbres pour leurs excès et enviés pour leur créativité musicale. Voici le premier livre qui dévoile toutes les facettes du groupe. Queen a créé une des œuvres les plus envoûtantes et a laissé une empreinte indélébile dans le monde du rock and roll. 40 ans plus tard, Queen fait toujours partie du panthéon du rock. Voilà le livre qui ose s'attaquer à ce monstre sacré et qui deviendra le livre de chevet de tous les fans. Donc franchement, c'est un excellent livre. Déjà, il est quand même assez lourd, il est quand même assez mastoc. Vous voyez, il a une bonne épaisseur quand même, ce livre. Donc je vous l'ai dit, 296 pages. Mais l'avantage des livres, je trouve, de Phil Sutcliffe, c'est qu'ils sont tout simplement... on sent une matière quand on touche, par exemple. On va sur un pass, on sent une matière papier poreux. On sent que c'est doux. Il y a des matières dedans, des images. Alors là, super bien faites, des super belles photos et des anecdotes et tout sur le groupe. C'est vraiment super bien foutu. Donc bah oui, le livre de chevet pour tous les fans de Queen. Je peux vraiment vous le conseiller, on sait tout sur notre petit Freddie Mercury, etc. C'est vraiment super bien, ça raconte l'apogée de Queen, donc comment ils ont grandi dans leur carrière, et c'est vraiment super bien fait. Donc un livre qui est paru le 19 octobre 2016, donc des chaînes EPA, encore merci à eux. Donc là on va se faire une petite pause musicale avec Crystal Waters avec Gypsy Woman ou She's Homeless. She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Mm-hmm. Donc c'était Crystal Waters avec Gypsy Woman ou She Homeless. Donc là on va déjà passer à la peur de cette émission, on va déjà passer à la creepypasta. Donc ça commence tout de suite. La magie de Noël. Maman dit que l'on doit croire au Père Noël si on veut des cadeaux, mais des fois c'est difficile. Comme quand je vois dans le centre commercial un Père Noël totalement différent de celui que j'avais vu l'année dernière. Et si je pose la question à maman, elle me répond tout le temps de ne pas parler de ça. Elle me dit que si j'en parle, je n'aurai pas de cadeau pour Noël. Et que tout cela se fait, c'est la magie de Noël tout simplement. Donc l'année dernière, à la même époque, j'ai emmené ma petite sœur au parc. Je faisais une bataille de boules de neige avec mes copains pendant qu'elle faisait un bonhomme de neige. Nous avons vu le Père Noël au parc ce jour-là. Il est venu vers nous et nous a donné chacun de nous un petit cadeau. Il nous a dit qu'on était tous des gentils garçons et filles. Il a aussi dit que le cadeau de ma petite sœur était dans son traîneau car il était trop lourd pour le porter jusqu'ici. Ma sœur est allée avec lui, mais n'est jamais revenue. La police nous a posé tellement de questions, mais nous avons tous insisté sur le fait que c'était juste le Père Noël, grand, enjoué et rouge. C'était tout ce que nous savions. J'ai eu tellement de cadeaux de Noël cette année-là, beaucoup plus que d'habitude. Je suis tellement heureux d'avoir dit à personne que c'était le Père Noël, ressemblait beaucoup à mon vieux voisin Wilkins, et je suis si heureux de n'avoir d'avoir plein de cadeaux. En fait, ma sœur est rentrée dans le camion de monsieur Wilkins, un camion bleu au lieu d'un traîneau. Maman me dit de ne jamais parler de ce que j'ai vu, que c'est juste la magie de Noël, et elle dit qu'il faut croire au Père Noël si on veut des cadeaux. Donc voilà, c'était une creepypasta assez malsaine, parce que il y a des choses qu'on peut comparer à la réalité. Enfin, si je vous dis qu'un peu kidnapping d'enfants, voilà. C'était ça la creepypasta du jour. Donc là, on va un peu se remettre voilà, de cette creepypasta. On va s'écouter Daoul avec Meet Her at the Love Parade. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Et ben voilà, donc vous avez entendu une petite pub pour la page Facebook de RQC. N'hésitez pas à aller la voir et à la liker. Et ben tout simplement, l'indicatif de touche à tout, va falloir que vous y habituez quand même. Donc là, on va passer tout simplement à la programmation du Forever Moucron. Et en plus, bonne nouvelle, maintenant nous sommes en partenariat avec le Forever Moucron. Donc merci à eux. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook et leur site. Et pourquoi pas aller faire un petit tour, voir un petit film, parce que c'est vraiment super bien. De toute façon, sur le site de RQC, dans l'onglet touche à tout, vous avez tout simplement la vidéo sur la programmation du Forever, avec tous les liens connexes vers leurs réseaux sociaux. Donc pour cette semaine, nous ont réservé quoi ? Annabelle 2, La création du mal, Les As de la jungle, Barry Seals American Traffic, qui est vraiment super bien, un très bon biopic, ça... qui fait tout le temps salle pleine, ils nous le disent tout le temps, ça est rempli de monde, et ça n'arrête pas. Il y a Cars 3, il y a aussi C'est tout pour moi, mais qui est une avant-première qui a lieu mardi à 16h15. Il y a aussi Everything, Everything, Hitman et Bodyguard qui n'est plus là. Il y a Kingsman, Le Cercle d'Or en avant-première, donc qui a lieu vendredi à 19h30 et samedi à la même heure. Il y a Les Grands Esprits, mais ils ne sont plus là. Il y a Le Petit Spirou en avant-première, qui a lieu le dimanche à 14h15, à 18h30, le lundi à 14h et à 16h30, et le mardi à 14h. Il y a aussi Le Sens de la Fête, aussi une avant-première, mais elle a été décalée. Il y a L'Un dans l'Autre, une avant-première qui a lieu dimanche à 10h30, 20h30, 22h30, lundi à 18h30, 20h30 et mardi à 18h30 et 20h30, il y a Moi, Moche et Méchant. Donc encore une super bonne programmation, il y en a pour tous les goûts, de la comédie, etc. Et en plus, on offre tous les lundis, donc pourquoi pas, hein, le premier jour de la semaine, vous avez votre tarif pour n'importe quelle heure, de toute façon, dès que c'est le lundi, à 6€. Donc si vous voulez aller voir un petit film à 6€, pourquoi pas, c'est pour n'importe quel film. Donc une très très bonne offre aussi. Le 28 septembre, il y a notamment Black Sabbath en exclusivité, un événement. Il y aura aussi Slipknot, M. Pokora et plein d'autres événements super bien. Il y aura aussi par exemple, je crois, Épouse-moi mon pote en avant-première, des petits sacs cadeaux distribués avant, une tombola dans la salle, etc. Donc voilà, c'était la programmation du Forever. Vous pouvez tout retrouver sur la page RQC. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans leur salle, c'est vraiment super bien. Donc là, on va faire une petite pause musicale avec Daft Punk, avec Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, gem and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop format. It. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, gem and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, call. At it. Technologic, technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch. Leave it, stop, format it, buy it, raise it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, bug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck on at it. Touch it, score it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, turn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, turn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, turn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Donc c'était Daft Punk avec Technologic, voilà. Et donc là on se retrouve tout simplement pour une chronique de film. On va vous parler du film Ça It, donc de 2017. Nous avons eu l'occasion de le voir avec le Forever Moucon, donc encore merci à eux. Donc le film sort aujourd'hui dans les salles françaises. Il dure 2h15, mais ça fait... 2 semaines à peu près qu'il est sorti en Belgique. Donc un film de Andy Muschietti, donc vous devez connaître si vous aimez bien les films d'horreur, c'est tout simplement le réalisateur de Mama, ce fameux film. Donc dans les acteurs il y a Bill Skarsgård, donc qui est tout simplement Pennywise pour les anglophones, ou Gripsou le clown dansant tout simplement. Il y a Jaden Nidbar, Finn Wolfhard et plein d'autres acteurs. Donc, en genre de film, c'est un épouvante thriller et horreur. Donc, c'est un film tout simplement américain. Et je vais vous lire le synopsis. Donc, déjà, c'est un film interdit au moins de 12 ans. À Derry, dans le Maine, 7 gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du club des ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles de favoris de gros durs de l'école, tels que Henry Bowers. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent ça. Mais si, ça, vous devez connaître ça. Car depuis toujours, Derry est proie d'une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir de la terreur de ses victimes de leur choix. Les enfants, bien décidés à rester soudés, les ratés tentent de surmonter leur peur pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Donc ils vont partir à la chasse de ce fameux clown Gripsou ou Pennywise. Donc franchement, un excellent film. Pour moi qui a regardé l'ancien, je le trouve mieux. Mieux que l'ancien, parce que l'ancien, c'était un téléfilm, donc c'était un direct vidéo. Et dans l'ancien, je trouve qu'il y avait trop de longueur, mais ça reste quand même un très très grand classique, le film ça. Je trouve que celui-là est plus rythmé pour moi, et beaucoup plus technique, psychologique en fait. Donc déjà, rien que les mimiques du clown à la saccadée, donc qui sont inspirées par exemple, je crois, hein, de Ring, etc. C'est vraiment super bien foutu, le clown, son maquillage est super bien fait. Sa voix est super bien faite, c'est surtout le sourire de Bill qui effraie les gens, même avec sans maquillage, il reste quand même assez bizarre. Donc c'est les distributeurs Warner Bros, donc on va déjà les remercier à l'avance parce qu'on va le recevoir bientôt de chez eux. Donc voilà, c'est la chronique de ça, et là on va se faire une petite pause musicale avec Darude Sandstorm. Donc c'était Darude avec Sandstorms. Donc là on va faire le dernier pop pour cette émission. Mais vous pourrez trouver toutes les infos sur la page Facebook Touche à tout, la chaîne YouTube du même nom ou même le site rqc.be. Donc alors là, nous allons parler du 442 Handy Clone Troopers, donc de Star Wars. Donc c'est une exclue édition limitée de la Galactic Convention 2017. Et oui les amis, donc là on l'a reçu chez les partenaires, encore merci à eux. Donc c'est le 171e pop, 171e pop, donc c'est tout simplement de la licence Star Wars, et c'est un Stormtrooper cette fois-ci de couleur vert sur les contours tels que les jambes, le torse, etc. Donc c'est, je crois, de Star Wars, si je me trompe, Star Wars 3, quand ils se battent tous ensemble, je crois qu'il y a des 442e Stormtrooper. Donc sur le devant de la boîte, on voit quoi ? On voit le croquis du pop, hein, le Stormtrooper. On voit sur le cellophane la collée, hop, une petite étiquette 2017 Galactic Convention exclusive. Et là, on voit le pop derrière le cellophane, sur l'autre côté, le pop en entier. Et derrière, bon, on a tous les pop de la Galactic Convention. On a notamment Luke Skywalker en version hot, je crois. Et plein d'autres. Il y a aussi Qui-Gon Jinn en version holographique, donc hologramme. Beaucoup de gens sont contents qu'ils ont ressorti, même si c'est en édition limitée, Qui-Gon Jinn, parce que l'ancien était une édition limitée à 4000 pièces de la Comic Con de San Diego. Il vaut maintenant à peu près 300 ou 600 euros. Donc ça fait mal au porte-monnaie pour les grands collectionneurs de Star Wars. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des pop comme ça en magasin, prenez-les, c'est déjà des éditions exclusives. Déjà le mien est assez bien coté, à peu près à 30 euros, et vous le trouvez en magasin encore maintenant. Donc franchement, un super beau clone trooper. Donc là, on va faire une petite pause musicale avec Disturbed, avec The Light. Memory. When you Donc c'était Disturbed avec The Light, un excellent groupe, voilà. Donc là on va faire la dernière chronique de cette émission, mais la semaine prochaine vous me retrouverez pas, excusez-moi, il y aura la Freya, donc n'hésitez pas à écouter aussi, ça peut être toujours très intéressant. Et toutes les infos sont sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le site RQC. Donc là on va vous parler du livre AC/DC High Voltage Rock and Roll qui est paru le 5 octobre 2011, qui contient 224 pages et qui est au prix de 35 euros. Formé en 1973 par les frères Angus et Malcolm Young, AC/DC est devenu l'un des groupes les plus populaires de l'histoire du rock. L'ouvrage présente la carrière du groupe depuis sa formation à Sydney jusqu'au dernier album récent tourné. Plus de 400 documents venus du monde entier illustrent cette biographie, flyers, posters, passe backstage, pochette de vinyle, résultat est un superbe hommage à AC/DC. Connu pour ses shows électriques et ses fulgurants sonores qu'ils ont attiré des millions de fans. Donc encore un livre de Phil Scutliff. Donc encore merci à chaîne EPA pour les livres. Donc encore une fois un superbe livre, de superbes photos d'archives d'AC/DC. On les voit jouer dans un petit bar et que maintenant ils ont besoin d'une scène à monter, quoi. C'est vraiment incroyable de voir l'évolution de ce groupe, mais ils l'ont totalement mérité. Franchement, AC/DC est un groupe que tout le monde doit connaître et écouter. Franchement, rien à dire dessus. On a notamment les anciennes pochettes de vinyle qui sont des exclusivités, plein de choses comme ça, encore des trucs qu'on sent au doigt. Vraiment un super beau livre, des super belles archives, et je crois que Yannick, je crois que tu l'as, mais il est bien, ouais. Donc voilà, c'est le livre AC/DC High Voltage Rock and Roll. Donc là, les loulous, on va se quitter, je vous dis au revoir, on se retrouve dans 2 semaines, et là on se quitte avec DNA, avec la Serenissima.